on the track. T'es mon ami, tu traînes pas avec ceux qui m'aiment pas. Ils traiteront ta mère, ils ont mangé chez elle. Y'a une faille dans leur mental. La peur c'est une chose, le courage c'est une autre. Si tu me donnes, c'est un souvenir. Moi, il faut que je te rende trois. Ils méritent même plus un sourire. T'as changé pour l'argent ou pour les gens. Je te vois léger, t'as peur des coups. Tu nous jalouses, juste pour des cas. T'as trop changé et c'est pas bon. T'étais un bon, là tu l'es pas. Mes problèmes c'est pas les tiens, non. De l'aide je te l'ai pas demandé. Donc pourquoi tu reviens maintenant? En plus tu dis qu'on est refrais. Ça m'a fait mal plus d'une fois moi. Je t'ai fait tout seul à cause d'avant. Ils m'ont menti yeux dans les yeux. J'ai confiance en mes soeurs, en maman. Les os sont mauvais. Faut que je mette bien ce que j'aime. Fini les embrouilles, je vais faire le chanteur, j'irai à côté là. Et je bois seul souvent. Joint dans la main, y'a le volant. J'ai vu l'ennemi s'affoler. Y'a grave des mercés dans le gang. La traîtrise est camouflée. Et le peuple réclame l'effort. J'ai tout donné pour la paix. Mais si y'a la guerre, je mets les gants. Et j'avance dans le noir. Je leur donne tous mes secrets. J'ai pensé à toi, tu t'en rappelles. T'étais ma rose, je te disais tout. T'étais sympa, maintenant je sais plus. Le cuir sur la main va se faire voler. Y'a toi qui me revient et c'est violent. J'suis toujours pareil, faut pas changer. Mais tu le fais, c'est trop blanc. Là, et je bois seul souvent. Joint dans la main, y'a le volant. J'ai vu l'ennemi s'affoler. Y'a grave des mercés dans le gang. La traîtrise est camouflée. Et le peuple réclame l'effort. J'ai tout donné pour la paix. Mais si y'a la guerre, j'mets les gants. Et j'avance en...